La Madone de l'Avenir par Henry James. Chapitre 1er. L'histoire que je vais raconter me rappelle ma jeunesse et mon séjour en Italie, deux beaux souvenirs. J'étais arrivé à Florence assez tard dans la soirée, et en achevant de souper, je me dis qu'un Américain qui débarque dans une pareille ville ne doit pas l'insulter en se mettant vulgairement au lit sous prétexte de fatigue. Je me levai donc, et je suivis une rue étroite qui s'ouvrait non loin de mon hôtel. 10 minutes après, je débouchais sur une grande piazza déserte qu'éclairaient les pâles rayons d'une lune d'automne. En face de moi se dressait le Palazzo Vecchio, avec sa grande tourelle qui s'élance comme un pin au sommet d'une colline escarpée. Au bas de l'édifice se dessinaient vaguement des sculptures, et je m'approchais afin de les examiner. Une des figures que j'avais entrevues, placée à gauche de la porte du palais, était un magnifique colosse qui semblait lancer un défi aux passants. Je reconnus bien vite le David de Michel-Ange. Éclairée comme elle l'était, cette image de la force prenait un aspect sinistre, et ce fut avec une sorte de soulagement que je détournai les yeux pour contempler une statue de bronze posée sous la loggia, dont les élégantes arcades forment un si charmant contraste avec l'ensemble massif du palais. Rien de plus vivant, de plus gracieux que cette statue. Le personnage conserve un certain air de douceur, bien que le bras nerveux qui l'allonge tienne une tête de gorgone. Ce personnage a nom Persée, et vous trouverez son histoire non pas dans la mythologie grecque, mais dans les mémoires de Benvenuto Cellini. Tandis que mon regard allait de l'une à l'autre de ses belles œuvres, je témoignais sans doute mon admiration par quelques paroles involontaires, car un individu que l'obscurité m'avait empêché d'apercevoir se leva sur les marches de la loggia et s'adressa à moi en très bon anglais. C'était un petit homme maigre, vêtu d'une sorte de tunique de velours noir, autant que je pus en juger, et coiffé d'une barrette Moyen-Âge, d'où s'échappait une masse de cheveux rouges. Il me pria d'un ton insinuant de lui communiquer mes impressions. Je lui trouvai un air à la fois bizarre et pittoresque. On aurait été tenté de le prendre pour le génie de l'hospitalité esthétique, si en général ce génie-là n'accueillait les voyageurs sous la forme d'un guide, dont la mise et l'allure sont celles d'un pauvre honteux. Cependant la brillante tirade que me valut mon silence embarrassé rendait l'hypothèse assez plausible. « Je connais Florence depuis bien longtemps, monsieur, » me dit mon interpellateur, « mais jamais je ne l'ai vue plus belle, plus vivante que ce soir. C'est que pour moi les fantômes des morts illustres viennent animer les rues désertes. Le présent est endormi. Le passé seul plane sur nous comme un rêve rendu visible. Figurez-vous les vieux Florentins arrivant en couple pour juger la dernière œuvre de Michel-Ange ou de Benvenuto. Quelle précieuse leçon, si l'on pouvait entendre leurs paroles. Le plus modeste bourgeois d'entre eux, avec son bonnet de velours et sa longue robe, avait du goût. L'art régnait alors, monsieur. Le soleil brillait de tout son éclat, et ses larges rayons dissipaient les ténèbres. Nous ne voyons qu'une supériorité dont le poids nous écrase. Le soleil a cessé de resplendir. Mais je m'imagine, vous allez rire de moi, je m'imagine que la clarté perdue nous illumine ce soir. Non, jamais le David ne m'a semblé plus grandiose, le Persée plus beau. Cette atmosphère argentée par les rayons de la lune m'arrive imprégnée des secrets des maîtres, promettant de les révéler à quiconque se prosternera ici dans une pieuse contemplation. Mon intéressant rhapsode remarqua sans doute mon air intrigué. Il rougit et se tut, mais il ajouta bientôt avec un sourire attristé. « Vous auriez tort de me prendre pour un charlatan ou pour un fou. Il n'est pas dans mes habitudes de m'embusquer sur la piazza afin de saisir au passage les innocents touristes. Ce soir, je l'avoue, je suis sous le charme, et d'ailleurs, je ne sais trop pourquoi, j'ai cru avoir affaire à un artiste. Je n'ose revendiquer ce titre. » « Dans le sens que vous donnez au mot, répliquai-je, je le regrette. Vous n'avez pourtant aucune excuse à m'adresser, car moi aussi, je suis sous le charme, et vos éloquentes réflexions sont loin de l'avoir rompu. Si vous n'êtes pas artiste, vous méritez de l'être, » répondit-il en s'inclinant. Un jeune homme qui arrive à Florence au milieu de la nuit, je vous ai vu débarquer, et qui s'empresse de quitter son hôtel pour rendre hommage au beau, a des droits à ma sympathie. L'accent avec lequel il débita cette jolie phrase acheva de me révéler un compatriote. Il n'y a que les Américains pour s'enthousiasmer ainsi. J'aime à croire, lui répondis-je, que si ce jeune homme est un vil trafiquant new-yorkais, vous ne le trouverez pas moins digne de votre estime. Les new-yorkais, répliqua-t-il avec une gravité qui semblait me reprocher mon badinage peu patriotique, sont de nobles protecteurs des beaux-arts. La tournure que prenait cet entretien nocturne ne me rassurait pas. Mon compagnon était-il un Yankee entreprenant, un peintre sans ouvrage, désireux d'extorquer une commande? Par bonheur, je n'eus pas à défendre ma bourse. L'horloge de la tour qui se dressait en face de nous sonna le premier coup de minuit. Ma nouvelle connaissance tressaillit, s'excusa de m'avoir retenu et se disposa à s'éloigner. Mais comme ma curiosité se trouvait éveillée, je lui proposai de faire route ensemble. Il y consentit volontiers. Traversant la piazza, nous longeâmes l'arcade ornée de statues du musée des Offices et nous gagnâmes l'Arno. Quel chemin suivis-je? Il ne m'en souvient guère. Je me rappelle seulement que, tandis que je me promenais à l'aventure, je fus initié à des théories esthétiques qui ne manquaient pas d'une certaine originalité. J'écoutais cette conférence en plein air avec une sorte de fascination, ne sachant trop que penser du singulier professeur. Il avoua, en secouant tristement la tête, son origine américaine. « Chez nous, s'écria-t-il, le sens artiste n'a pour s'exercer qu'un champ aussi stérile que l'est. Malheureux déshérités de l'art, nous sommes exclus du cercle magique, condamnés à rester toujours superficiels. Jamais nous n'atteindrons la perfection. Un peintre américain, s'il veut exceller, a 10 fois plus à apprendre qu'un Européen. Nous n'avons ni goût, ni tact, ni force. Comment en aurions-nous? Notre rude climat, notre passé silencieux, notre présent tapageur, la banalité dont l'étreinte nous comprime par tous les côtés, sont aussi vides de ce qui peut inspirer un artiste que mon cœur est vide d'amertume en avouant cette vérité. Nous n'avons d'autre ressource que de vivre dans un perpétuel exil. Franchement, répondis-je en souriant, vous me paraissez être chez vous dans l'exil, et Florence me semble une assez jolie Sibérie. Voulez-vous que je vous dise ma pensée? Rien ne paraît plus oiseux que de gémir sur notre manque d'un sol propice à l'inspiration. Le vrai rôle de l'artiste et d'essayer de produire quelque chose de bon, inventer, créer. Il n'existe dans notre glorieuse constitution aucun article qui s'y oppose. Quand il vous faudrait travailler 50 fois plus qu'un autre, peu importe. Pourquoi êtes-vous artiste, si ce n'est pour vaincre les obstacles? Soyez notre Moïse, ajoutai-je en lui posant la main sur l'épaule, et guidez-nous vers la terre promise. Vous parlez d'or, jeune homme, répondit mon compagnon. Inventer, oui, c'est là notre tâche, je le sais fort bien. Je travaille nuit et jour, je crée une œuvre. Je ne me donne pas pour un Moïse. Je ne suis qu'un pauvre peintre doué de patience, mais quel triomphe! Si je parvenais à répandre sur notre pays un rayon de cette gloire qui lui fait défaut. À minuit, lorsque le vent du sud caresse Florence endormie, il semble évoquer l'âme des belles œuvres cachées dans les églises et les galeries. Il pénètre dans mon petit atelier avec le clair de lune, et fait battre mon cœur au point de m'empêcher de songer au repos. J'en profite pour ajouter sans cesse une nouvelle idée à ma conception. Mon bizarre compagnon connaissait à fond l'histoire et les traditions locales de la ville, et il m'apprit qu'il ne voulait plus quitter Florence. « Je lui dois tout, » me dit-il. C'est ici que j'ai commencé à vivre, du moins de la vie intellectuelle. Une à une, les aspirations profanes, les ambitions mondaines ont disparu de mon horizon, ne me laissant que ma croyance, mon calepin et le culte des vrais maîtres. « Y avez-vous beaucoup produit pendant votre long séjour ? » lui demandai-je. Il garda un moment le silence. « Je n'ai pas beaucoup produit, si vous interprétez littéralement le mot, » répliqua-t-il enfin. « Il me répugne de me manifester par des essais imparfaits. Ce qu'il y avait de bon dans chacun de mes efforts, je l'ai réabsorbé au profit de la force génératrice de conceptions futures. Ce qu'il y avait de mauvais, hélas, le mauvais abondera toujours, je l'ai détruit sans hésiter. Je puis affirmer, non sans orgueil, que mon pinceau n'a pas contribué à croître le nombre des platitudes qui encombrent le monde. Je suis un pauvre peintre patient, j'étudie et j'attends. Je m'aperçus en ce moment que notre promenade m'avait ramené en face de mon hôtel et je n'en fus pas fâché, car la société d'un génie aussi communicatif ne suffisait pas pour me faire oublier ma fatigue. Cependant, je ne me séparais pas de mon compagnon sans exprimer le désir de le revoir. Au fond, ce n'était pas là une politesse banale. J'espérais bien le trouver dans une des nombreuses galeries de Florence, et mon désir fut bientôt réalisé. Dès le lendemain, je l'aperçus dans la tribune des Offices, ce petit musée d'œuvres parfaites. Il tournait le dos à la Vénus de Médicis, les mains appuyées sur une balustrade, plongé dans la contemplation du superbe triptyque d'Andrea Mantegna. Pendant quelque temps, j'admirais par-dessus l'épaule de mon compatriote ce tableau qui n'a ni l'éclat ni la vigueur imposante des toiles voisines, mais qui, resplendissant de la beauté qu'évoque parfois un travail patient, répond peut-être à un besoin plus général de l'âme. Enfin, poussant un profond soupir, il se retourna, et son regard rencontra le mien. Dès qu'il me reconnut, une vive rougeur lui monta au visage. Il craignait sans doute de s'être rendu ridicule la veille. Je lui tendis la main avec une franchise cordiale qui lui prouva que je n'étais pas un railleur. Je l'avais reconnu à sa chevelure ardente. Sous d'autres rapports, il me sembla très changé. Son enthousiasme nocturne n'animait plus sa physionomie, et son teint blême me rappela celui d'un acteur vu en dehors des feux de la rampe. Je le trouvais moins jeune que je ne l'avais cru. Qu'était devenue la bravoure de son costume et de son allure? Il avait bien l'air d'un pauvre peintre patient, maintenant que l'absence du clair de lune lui ôtait son aspect pittoresque. Son habit de velours montrait la corde, et la teinte de rouille de son chapeau à large bord, à forme peu élevée, annonçait plutôt une bourse mal garnie que le désir de se distinguer par une coiffure originale. Ses yeux, et tous ses traits du reste, avaient une expression de douceur résignée qui me frappa d'autant plus que je me demandais s'il fallait attribuer la pâle maigreur de ce visage à un régime insuffisant ou à la fièvre qu'allume le génie. Cependant, après avoir causé quelques minutes avec moi, il retrouva son entrain lyrique de la veille. « Et c'est votre première visite à ces salles enchantées ? » s'écria-t-il. « Heureux, trois fois heureux, mortel !» Puis, me prenant par le bras, il se disposa à me faire admirer les œuvres les plus remarquables. Avant de s'éloigner, il jeta un dernier regard sur le Mantegna. « Celui-là ne se pressait pas, » murmura-t-il. « Il ignorait la hâte, qui a perdu plus d'un artiste. » Je ne saurais dire si mon nouvel ami était bon critique, mais en tout cas il m'amusa en développant ses opinions, ses théories, ses sympathies, le tout émaillé d'anecdotes et de souvenirs historiques. Il me parut un peu trop sentimental, et trop porté à chercher partout des intentions subtiles qui eussent probablement fort étonné celui auquel il les prêtait. Par moments aussi, il se plongeait dans les flots de la métaphysique à des profondeurs où je n'aurais pu le suivre qu'au risque de me noyer. Mais mes connaissances en peinture et la sûreté de son jugement annonçaient de longues heures consacrées à l'étude des maîtres. Le musée des Offices peut non seulement être fier des riches collections qu'il renferme, il a droit de s'enorgueillir de l'heureux accident architectural, si je puis m'exprimer ainsi, qui le rattache aux salles princières du musée Pitti. Ces salles sont dignes d'un palais. Cependant, il faut avouer que les tableaux y sont assez mal éclairés. Mais les chefs-d'œuvre y abondent et semblent briller dans une atmosphère lumineuse qui leur est propre. Je contemplai longuement plus d'un Raphaël et plus d'un Titien. Puis, comme je voyais que mon ami s'impatientait, je me laissai enfin conduire vers le but de notre voyage, vers la plus belle, la plus touchante des madones de Raphaël, la Vierge à la chaise. De tous les tableaux que l'on ait jamais peints, c'est celui qui prête le moins à la critique. Rien n'y trahit l'effort, la recherche des procédés mécaniques, la lutte presque inévitable entre l'artiste et son rêve, lutte qui apparaît vaguement dans beaucoup d'œuvres hors ligne. Si vivante que soit cette création, si puissant que soit l'appel fait à nos sympathies humaines, on n'y distingue ni manière ni méthode. C'est à peine si l'on y reconnaît un style particulier. Elle s'épanouit dans sa beauté harmonieuse comme une improvisation immédiate du génie. Le spectateur ne sait s'il doit attribuer son émotion à la divine pureté ou au charme terrestre de cette figure. Il est enivré par la vue de la plus touchante image de la maternité qui ait jamais souri sur la terre. « Voilà ce que j'appelle un beau tableau, » dit mon compagnon, lorsque nous eûmes admiré la toile en silence. « J'ai le droit d'en parler car je l'ai copié si souvent que je le reproduirai les yeux fermés. Les autres œuvres de Raphaël sont de lui. Dans celle-ci, nous tenons Raphaël lui-même. Ses autres œuvres, on peut les louer, les critiquer, les juger, les expliquer. Celle-ci, il faut se contenter de l'aimer et de l'admirer. J'ignore sous quelle forme l'artiste apparaissait aux hommes lorsqu'il réalisait cette sublime inspiration. Mais, l'œuvre accomplie, il ne lui restait plus qu'à mourir. Ce monde n'avait plus rien à lui apprendre, il avait trouvé l'idéal. Ne pensez-vous pas, répondis-je, qu'il a eu un modèle et qu'une belle jeune fille, aussi belle que vous voudrez? Cela ne diminue en rien le miracle. Il a dû regarder autour de lui, sans doute, et peut-être votre belle jeune fille souriait-elle derrière la toile. Mais déjà l'idée du peintre avait pris son essor. Nul contour humain, si admirable qu'il fût, ne pouvait l'enchaîner à la trivialité du fait vulgaire. Il prête la perfection aux formes de son modèle. Sans tâtonnement, sans un coup d'aile de plus, il s'élève à la hauteur de son idéal. Il voit une rose et lui donne un parfum, il la complète. C'est ce que l'on nomme idéalisme. Bien que l'on abuse beaucoup du mot, la chose me semble bonne, en tout cas c'est ma croyance. Belle Madone, modèle et muse à la fois, je vous prends un témoin que moi aussi je suis idéaliste. Désireux de provoquer de nouvelles confidences, je répondis d'un ton moitié railleur. Un idéaliste est donc un monsieur qui dit à la nature, représentée par une jolie femme, « Mamie, tu as fait tout de travers. Ta finesse n'est que grossièreté. Tes couleurs sont ternes. Ta grâce n'est que de la gaucherie. Je vais te montrer comment tu dois t'y prendre. » Mon compagnon se retourna vers moi d'un air presque irrité, puis il répliqua gravement, « Regardez cette toile. » Et il impose un silence à vos moqueries irrévérencieuses. Voilà ce que l'idéalisme produit. On ne l'explique pas, il faut sentir la flamme. Qu'il parle à la nature ou à une belle femme, l'artiste ne prononce pas une parole dont l'une ou l'autre puisse s'offenser. Il dit à la jolie femme, « Considérez-moi comme un ami. Prêtez-moi votre visage, ayez confiance en moi, aidez-moi, et vos yeux seront la moitié de mon chef-d'œuvre. » « Le ciel me préserve de refroidir votre enthousiasme, » répliquai-je. « Mais ne vous semble-t-il pas que Raphaël, s'il a été servi par son génie, a eu la bonne fortune de vivre dans un siècle qui avait une foi religieuse que nous ne possédons plus ? Il y a des gens qui nient que ces madones sans tache soient autre chose que les jolies blondes de l'époque, dont son talent un peu profane rehaussait les charmes. Que ces critiques aient tort ou raison, il est certain que du temps de Raphaël, il existait de grands rapports entre les aspirations religieuses et les besoins esthétiques. J'en conclus que les Saintes Vierges, visibles et adorables, étaient fort demandées. Mon compagnon parut d'abord péniblement ému par mon scepticisme, puis il secoua la tête et répondit d'un ton convaincu « Elles sont toujours demandées, pour employer votre vilain mot commercial. Ce type ineffable est un des besoins éternels du cœur humain. Mais les âmes pieuses n'osent exprimer leurs désirs. Qu'un nouveau Raphaël surgisse, et vous verrez qu'il ne sera pas le bienvenu. Hélas, comment surgira-t-il dans ce siècle corrompu? Une œuvre comme celle-là ne se fait pas sur commande. Par bonheur, il est encore... « Anch'io son pittore !» m'écriai-je. « Si je ne me trompe, vous avez un chef-d'œuvre sur le chevalet. Lorsque votre tableau sera terminé, prévenez-moi. Et fussé-je à l'autre bout du monde, je reviendrai à Florence pour saluer la Madone de l'avenir. » Il rougit et poussa un profond soupir. « Je parle rarement de mon tableau, » dit-il après un moment de silence. « Les réclames avant la lettre dont abusent les artistes modernes me font horreur. Le silence, l'isolement, le mystère même sont indispensables si l'on veut créer une œuvre digne de vivre. Et puis, le monde est si cruel, si frivole, si peu capable de comprendre que l'on puisse songer de nos jours à peindre une madone. Je ne sais ce qui m'a poussé à me confier à vous. En tout cas, vous auriez tort de rire de moi, » ajouta-t-il en posant la main sur mon bras. « Quel que soit mon talent, je possède au moins le mérite de la sincérité. Il n'y a rien de risible dans une noble ambition ni dans une vie consacrée au culte du beau. » En effet, il s'exprimait avec un tel accent de sincérité qu'il y aurait eu de l'impertinence de ma part à le questionner davantage. Cependant, les occasions de l'interroger ne me manquèrent pas, car à la suite de cet entretien, nous passâmes bien des heures ensemble. Presque tous les jours, pendant une quinzaine, nous nous donnâmes rendez-vous pour visiter les trésors de Florence. Il connaissait si bien la ville, son histoire, ses rues, ses églises, ses galeries, que je trouvais en lui un guide incomparable. Il parlait de Florence avec l'enthousiasme d'un amoureux. Il m'avoua qu'elle l'avait captivé à première vue. Il est de mode chez nos écrivains, me dit-il, de donner à toutes les cités le genre féminin. C'est là une monstrueuse erreur. Florence est-elle du même sexe que Chicago? Non. Elle seule mérite de passer pour une femme. Elle seule inspire à un jeune novice qui sort du collège le genre d'admiration qu'il ressent pour une belle dame plus âgée, que bien d'autres ont adoré avant lui. Cette passion platonique semblait lui tenir lieu de toute attache sociale. Il paraissait mener une existence solitaire et ne se soucier que de son travail. Je fus flatté de voir qu'il avait pris en amitié un personnage aussi frivole que moi et qu'il me sacrifiait généreusement bien des heures précieuses. Nous consacrions la plupart de ces heures à l'étude des vieux maîtres dont les tableaux enrichissaient les galeries de Florence, nous arrêtant sans cesse avec une admiration sympathique devant ces premières floraisons de l'art pour nous demander s'il n'avait pas une fraîcheur que l'on cherche en vain dans les œuvres plus savantes qui leur ont succédé. Bref, rien de ce qui valait la peine d'être vu ne nous échappa. Nous parcourûmes maintes églises obscures, maintes quartiers inconnus des touristes, maintes palais déserts, à la recherche d'un vestige de fresque, d'une ciselure ébauchée. Je fus de plus en plus ému par la prodigieuse facilité avec laquelle mon compagnon évitait de s'écarter de son idée fixe. Pour lui, tout devenait un prétexte de rhapsodie idéaliste ou de rêverie esthétique. Impossible de rien voir, de rien entendre, qui ne lui inspira une foule de phrases enthousiastes sur le vrai, le beau et le bon. Il manquait peut-être de génie, mais à coup sûr, c'était en monomane qu'il admirait le génie des autres. Je pris autant de plaisir à suivre le jeu bizarre des lumières et des ombres de son caractère que s'il se fût agi d'un personnage tombé d'une autre planète. À vrai dire, il semblait fort dépaysé. Il vivait dans un univers à lui, univers où régnaient les beaux-arts. Il serait difficile de concevoir un être moins souillé par le contact du monde. Et je me demandais parfois si un ou deux petits vices innocents n'auraient pas contribué à compléter son organisation d'artiste. Par moments, je riais en songeant qu'il appartenait à la race si pratique des Yankees. Mais après tout, la meilleure preuve de son origine américaine ne se trouvait-elle pas dans cet amour du beau qui lui donnait la fièvre? Ce n'est que chez les convertis que l'on rencontre une ardeur aussi vive. La plupart des peintres du Nouveau Monde qui visitent les musées de l'Europe savent manifester leur admiration sans oublier pour cela de tirer tout le parti possible de leur mérite personnel. Mon ami ne possédait pas ce talent. Du reste, il avait conservé le goût du terroir pour les superlatifs. Ses moindres éloges se formulaient par les mots écrasants, transcendantal, incomparable. Quant aux épithètes moins louangeuses, c'était là une petite monnaie dont il dédaignait de se servir. Malgré la franchise avec laquelle il exprimait ses opinions, il demeurait pour moi une énigme. Le peu qu'il me disait sur son propre compte ne m'apprenait pas grand-chose. Je ne savais pas au juste ce qu'il faisait ni comment il vivait. Soit par modestie, soit par fierté, il ne me parla pas de son intérieur. Il était pauvre, on le voyait. Néanmoins, il devait posséder de quoi vivre. Autrement, il n'eût pas avoué aussi gaiement que le culte de la beauté idéale ne lui avait jamais rapporté un écu. Je supposais que sa pauvreté l'empêchait de m'inviter à lui rendre visite. J'ignorais même son adresse. Nous nous donnions rendez-vous en quelque lieu public ou à mon hôtel, où je me montrais aussi hospitalier que je le pus sans risquer de l'offenser. Il paraissait avoir toujours faim. Était-ce là un de ces petits vices innocents que je lui souhaitais? Je l'ignore. En tout cas, je ne lui en connaissais certes pas d'autre. J'eus soin de lui épargner les questions indiscrètes, mais lorsque je le rencontrais, je n'oubliais jamais de lui demander des nouvelles de la Madone de l'avenir. « Nous avançons, grâce au ciel, » répondait-il avec un grave sourire. « Cela marche. Voyez-vous, j'ai le grand avantage de ne jamais perdre mon temps. Les heures que je passe avec vous sont au profit. Ce sont des heures suggestives. De même qu'une âme pieuse prie sans cesse, de même le véritable artiste élabore sans cesse son œuvre. Il prend son bien où il le trouve, et va, dérobant un secret aux choses qui s'offrent à son regard. » Quel don précieux que celui de l'observation, que de joie elle nous procure. Chaque coup d'œil me donne l'idée d'une ombre, d'une teinte, d'un heureux contraste. Rentré chez moi, je dépose mes nouveaux trésors aux pieds de ma madone. Oh, je ne perds pas mon temps. Nulla dies sine linea.